Allô? Oui. Monsieur Gilbert? Oui. Bonjour, monsieur. Monsieur Robert Ledoux, à l'appareil. Oui. Vous habitez bien en 91, vous? Oui. Est-ce que vous connaissez mes parents, monsieur et madame Ledoux, qui habitent au 37 de la rue? Écoutez, le nom ne me dit rien du tout. Parce que je voulais vous demander un petit service maintenant. Évidemment, faut que vous me disiez si ça vous dérange, hein. J'aurais voulu, si c'était possible, que vous alliez les voir. Oui. Ah, vous êtes gentil. Parce que voilà, moi, je suis en prison. À la santé. Oui. Hein? Ça fait combien de temps que vous êtes là? En prison? Oui. Oh, ça fait maintenant 3 semaines. Oui, d'accord. Vous voyez? Et ils m'ont mis, vous savez, avec les putes. J'ai 3 putes dans ma cellule, vous voyez? Oui, oui. Et le problème, c'est que je n'ai plus d'argent. Parce que j'ai bien un chéquier, voyez-vous? Mais les filles, elles prennent pas les chèques. Ah bon, d'accord. Et je voulais savoir si mon papa ou ma maman pouvaient m'envoyer un mandat. Et ça, vous êtes? Pas tout à fait. Ah, d'accord. Bien, écoutez... écoutez, je vais faire le nécessaire pour aller les voir. Ah ben, attendez, vous quittez pas? Oui, oui. Je vais essayer de vous les faire avoir au téléphone, parce qu'on a... Vous savez, en prison, on a des bidouilles pour appeler au téléphone. Ah là. Oui, d'accord. Vous allez entendre une sonnerie? Oui. Normalement, on va tomber chez eux. Ah bon? Oui. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, monsieur. Roger Ledoux, l'appareil. Oui, bonjour, monsieur. Oui, c'est à quel sujet? Vous êtes bien le père de monsieur Ledoux? Robert, oui. Robert. C'est mon fils. C'est votre fils. Justement, il vient de m'appeler, là. Ah, comment va-t-il? Eh bien... La santé, ça va? Ben, oui. Bon. Oui, parce qu'il est à la santé. Comment ça, il est à la santé? Il est à la prison de la santé. En prison? Oui. Ah ben? Oui, et il est dans une chambre, il est dans une pièce avec trois putes. Il y a des putes en prison maintenant? Oui, il en a 3 dans sa cellule. Et il a plus d'argent, il m'a téléphoné pour que je vous contacte, pour que si vous pouvez lui envoyer de l'argent. Il a un chéquier pourtant. Il a un chéquier, mais il peut pas s'en servir. Pourquoi? Parce que les putes, ils veulent pas prendre le chèque. Ben, ils sortent pas de la gueule. Ah ben oui. Il y a ma femme qui a l'écouteur. Oui. Elle voudrait vous poser une question. Je peux vous la passer? Mais bien sûr. Viens, Thérèse. Le monsieur, il a quelque chose à te dire qui va te faire plaisir. Moi, je vous transmets ce qu'il m'a dit, hein. Ah, oh, c'est gentil, ça. Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous avez des nouvelles du petit? Voilà, il vient de me téléphoner, là. Alors, où il est? Il est à la prison de la santé. Ah, oh, c'est bien. Il est avec des bons compagnons de cellule? Ouais, des compagnons, des compagnes. Comment ça? Il avait des putes. Ah bon? Ouais. Mais alors, pourquoi vous nous appelez à la maison? Eh bien, il veut que vous lui envoyiez de l'argent. Ah, ben oui, mais pour faire quoi? Ben, pour les putes. Ben, dites-moi. Combien qu'on lui met, alors? Ah, bah, écoutez... Si on lui met 1 000 francs. 1 000 francs avec, hein? 1 000 balles, je ne sais pas, ça... Tout ça, ça dépend de tarif des buts, hein? Je sais pas, j'y suis jamais allé, moi. Où ça, monsieur? En prison. C'est combien? Tout ça, ça dépend de tarif des buts, hein? Moi, eh bien, quand je serai grand, j'irai en prison.